refroidis à vouloir faire les choses. Ils veulent tout maintenant, ils sont pas intelligents. J'ai fait mes sous sans gérer le réseau. Faut pas sous-estimer les gens qui se montrent au patron. Parce que l'employé peut dépasser le patron. Où j'ai choisi le rap, j'aurais pu faire des braquons. Dans la vie, faut être patient et surtout pas con. Le soir, je regarde le ciel, les étoiles, ils font des dessins. J'mets la peau dans les couilles, j'mets des bulles quand je descends. J'aime mes potos, j'aimerais pas qu'on s'embrouille pour des seins. J'suis plus pareil, j'dédicace trop de traite dans mes sens. J'fais des travails sur moi-même pour arrêter la résine. Faut être tranquille, mais j'entends tout le partout, même là où j'réside. Tu fais le zampa après quand ça pète, tu dis j'suis dans les îles. J'ai plein de c'est grâce à moi, mais c'est le bon Dieu qui décide. T'entends des pas, pas, pas, ça résonne. Quand ça touche, y'a tes proches, t'as le zen. Et la ganja, tja, tja, elle est bonne. À Marseille, y'a la guerre, y'a l'OM et y'a le zen. T'entends des pas, pas, pas, ça résonne. Quand ça touche, y'a tes proches, t'as le zen. Et la ganja, tja, tja, elle est bonne. À Marseille, y'a la guerre, y'a l'OM et y'a le zen. J'ai ma calette dans les mains. J'entends ça parle des histoires, j'entends que ça parle de gagner. La volume, la faire à l'envers, serrer mon frère, je sais, mais j'y ai pas dit. Dehors, ça se fume, ça se met dans la malle, c'est pas pour pas un radis. Si tu donnes des infos, si tu fais le blame pro, on te radis. Faut pas le crochu, le pote, il a besoin d'une recherche PCS. Tu dis, j'ai pas win, mais sur Snap, t'es en Mercedes. Si je suis sur une route, c'est que je levais l'option TCS. Andorre et platine, tu connais le J, c'est le S. Quand ça me boit, ça se bouscule, ça s'approche comme des fourmis. Photo devant, derrière, j'te jure, j'en ai le tournis. De vie, on a passé des heures au labo. Putain, ils oublient, tu respectes même plus Ronaldo. J'ai plus qu'air sur mon chemin quand je me suis mis du monde à dos. Ils regardent pas qui tu es, ils regardent ton homme d'abo. La placarde elle parle à ta place quand t'es pas beau. Faut dire qu'à Lambo, tu te prends moins de radeaux. La placarde elle parle à ta place quand t'es pas beau. Faut dire qu'à Lambo, tu te prends moins de radeaux. T'entends des pas, pas, pas, ça résonne. Quand ça touche, y'a tes proches, t'as le zen. Et la ganja, tja, tja, elle est bonne. À Marseille, y'a la guerre, y'a l'OM et y'a le zen. T'entends des pas, pas. Quand ça touche, y'a tes proches, t'as le zen. Et la ganja, tja, tja, elle est bonne. À Marseille, y'a la guerre, y'a l'OM et y'a